France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À 18 ans, il écrivait « La vie n'est pas la joie ». C'est la tension de l'effort continu, c'est le labeur physique et le surmenage intellectuel, c'est l'austère accomplissement du devoir. Célèbre arpenteur du Sahara, qui d'ailleurs explora aussi les fonds marins et voyagea partout dans le monde, Théodore Monod n'était pas seulement un scientifique. Il était une conscience. Signataire du manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie, il a été un militant de la non-violence, très engagé contre l'arme nucléaire. Sans papier ou sans domicile, il a été, ici et ailleurs, aux côtés de ses semblables en lutte pour leurs droits et leur dignité. Végétarien, farouche adversaire de la chasse et la corrida, il était inconcevable pour cet esprit érudit et croyant de prétendre défendre l'homme sans avoir le souci des animaux, de la nature et du vivant sous toutes ses formes. Dans les 5 entretiens que Théodore Monod accordait au chemin de la connaissance en 1982, on entend que dans l'austère accomplissement du devoir, on trouve aussi de la joie. Théodore Monod, vous avez été pendant toute cette période, pendant de longues années, cet homme qui a parcouru le désert, qui a été face à la nature d'une façon très intime, très profonde, très intense. Et ça vous a amené à faire des réflexions justement par rapport à l'homme devant cette nature, et peut-être aussi par rapport à l'évolution de l'homme. Oui, on est directement sous le ciel. On est tout nu devant l'univers, sans intermédiaire. L'attitude de l'homme vis-à-vis du cosmos, enfin, c'est pas un problème nouveau, bien sûr, on y a pensé depuis l'Antiquité. Mais je crois qu'on peut imaginer plusieurs périodes dans cette histoire des relations de l'homme avec la nature. Alors, au début, l'homme paléolithique, etc., avant le néolithique, l'homme de la préhistoire, la partie la plus longue de la préhistoire, eh bien, l'homme était à cette époque-là simplement un des éléments, entre beaucoup d'autres éléments, un des éléments de ce qu'on appelle la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants d'un milieu déterminé. Alors, l'homme était un prédateur, il était aussi un récolteur. Naturellement, il récoltait des fruits, il récoltait des graines, il mangeait toutes sortes de choses. Mais il ramassait aussi des animaux dans la mesure où il pouvait le faire. Mais il le faisait comme le fait actuellement le prédateur dans les savanes, le carnassier dans les savanes de l'Est africain. C'est-à-dire qu'il prélevait ce dont il avait besoin pour se nourrir, mais pas plus qu'il était nécessaire. Donc son influence sur le milieu était relativement peu de choses. Comme le lion ou le guépard ou le léopard prélève un certain nombre de proies pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. Alors ça, c'est une période qu'on peut appeler une période de, je ne dirais pas forcément de résignation, mais enfin d'équilibre en tous les cas. L'homme est à l'intérieur de la nature un élément comparable à beaucoup d'autres, sans plus d'influence que beaucoup d'autres. Une espèce de statu quo, là. Oui, ça ne bouge pas, ses moyens ne lui permettent pas d'ailleurs de faire davantage. Il mange ce qu'il trouve. Au début, c'était des proies d'ailleurs probablement de faibles dimensions. Il n'a pas tout de suite pu attaquer des mammouths ou même des ours des cavernes. Mais il ramassait ce qu'il trouvait, des larves d'insectes, des lézards. Au bord de l'eau, il y avait... Le bord de l'eau a dû jouer un grand rôle dans cette période-là, parce que au bord de la mer, par exemple, au bord de la mer, on trouve beaucoup de choses. On peut vivre avec ce qu'on peut ramasser au bord de l'eau. Puis il arrive, il y a des... La mer rejette aussi des cadavres d'animaux, etc. Enfin, on peut vivoter au bord de l'eau. Alors ça, c'est un premier stade, ce que j'appellerais un premier stade. Et puis après, alors le deuxième stade, c'est celui qui s'instaure à partir du moment où l'homme a acquis un pouvoir technique amélioré qui va lui permettre d'entrer dans ce que j'appelle la phase de l'agression, l'agression efficace. À partir du moment où l'homme a disposé d'un outil comme la hache polie, pardon, la hache néolithique, la hache polie, ben, c'est très efficace une hache polie. Et les archéologues danois ont fait des essais, ils ont fait des essais d'abattage d'arbres avec des haches polies qu'ils ont réemmanchées. Eh bien, on s'est aperçu que c'était un outil très efficace pour abattre des arbres. À partir de ce moment-là, et en particulier à partir de ce qu'on appelait la révolution néolithique, le néolithique, c'est vraiment la charnière dans l'histoire de l'homme, parce que c'est la période où vont apparaître la céramique, donc la marmite, la possibilité de faire bouillir de quelque chose, de faire de la nourriture cuite dans de l'eau. La marmite, la céréale, c'est-à-dire la graine cultivée jusqu'à présent. Jusqu'alors, on pouvait récolter des graines, naturellement, sauvages, puis les moudre, puis faire des choses avec. Mais à partir de ce moment-là, on avait la céréale cultivée, et puis l'animal domestique. Et alors, avec le village et la ville va symboliser par un certain nombre d'édifices. Vous avez le palais, vous avez la caserne, et vous avez la prison, et vous avez le temple, naturellement, très important, et vous avez le mauvais lieu, qui ne l'est pas moins. Et avec ces différents éléments, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle, bonne et définitive, jusqu'à présent tout au moins, civilisation. Après l'agression, on pourrait imaginer une troisième phase, qui serait celle de la réconciliation. La réconciliation de l'homme avec la nature. Et avec les animaux, bien entendu. Et avec l'ensemble des êtres vivants. C'est-à-dire l'homme ayant le sens du respect qu'il doit à l'univers, au cosmos, etc. Et le sens aussi de l'unité des choses et des êtres. Je ne sais pas si on s'en aperçoit toujours suffisamment de cette unité profonde. Il y a un poète anglais, il n'y a que les poètes pour dire la vérité, un poète anglais qui a dit une fois, celui qui cueille une fleur dérange une étoile. Ça a l'air idiot, bien sûr, mais c'est très profond. Ça veut dire que à l'intérieur de l'univers, tout se tient. Et j'ai retrouvé d'ailleurs exactement la même pensée, la même idée dans une phrase de Victor Hugo, qui oserait dire que le parfum de l'aubépine est indifférent aux nébuleuses. C'est très beau et ça exprime une idée très, très fondamentale pour moi. Et alors cette unité des choses et des êtres, ça implique beaucoup de choses au point de vue de l'attitude de l'homme. Ça implique le renoncement à un certain orgueil de la part de l'homme qui se considère comme le roi de la création et comme le propriétaire de la création, alors qu'il n'en est que l'usufruitier. Ça implique aussi une attitude différente vis-à-vis des êtres vivants, puisque l'homme, on sait que l'homme exerce vis-à-vis des êtres vivants une tyrannie qui est souvent extraordinairement cruelle. Mais dans une perspective de réconciliation générale entre les êtres vivants, l'attitude de l'homme serait évidemment totalement différente, faite de respect et de pitié. C'est ça l'idéal, c'est la pitié pour la souffrance des autres, quel qu'il soit, et pas seulement celle des hommes. Alors bien sûr, l'objection perpétuelle, c'est pourquoi est-ce que vous songez, etc., à la souffrance des animaux plutôt que celle des êtres humains. Mais c'est pas du tout l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre dont il faut se préoccuper. Or, d'ailleurs, je crains que la plupart du temps, ceux qui ressassent ce vieil argument ne s'occupent, eux, ni de l'un, ni de l'autre. Alors, l'homme roi de la création, c'est une vieille idée, bien sûr. Ça, les trois grands monothéismes ont été très anthropocentriques à cet égard, en considérant l'homme comme une créature absolument supérieure et de droit divin, ayant de droit divin le pouvoir d'user ou d'abuser de ce que la nature pouvait lui offrir. Mais Les dinosauriens aussi s'étaient crus les rois de la création, à l'époque secondaire. Et puis ils ont disparu jusqu'au dernier. Ils ne sont pas d'ailleurs les seuls à avoir disparu à la fin du Crétacé. Les ammonites ont disparu également. Ce sont des phénomènes très mystérieux de l'évolution. On peut imaginer bien des choses. Imaginez que l'homme finisse par se détruire lui-même. La bêtise humaine étant ce qu'elle est, il n'est pas invraisemblable que, volontairement ou même par erreur, l'homme finisse par se détruire sa propre espèce, puisqu'il en a le pouvoir matériel maintenant. Et comme on fait les choses maintenant, non pas parce qu'elles ont telle ou telle justification morale, mais uniquement parce qu'on peut les faire. C'est encore une aberration psychologique extraordinaire. À quoi vous pensez lorsque vous dites cela ? Je pense à l'avion supersonique. Parce qu'un écologiste anglais, Sir Fraser Darling, a dit une fois, on va faire l'avion supersonique, non pas parce qu'on a réfléchi, sérieusement. À son utilité. Parce que cet avion va... pourra être utile au développement de l'homme, etc., etc., de l'homme véritable, de l'homme avec un H majuscule pour une fois. Non, on va le faire parce que on gagnera 3 heures entre un embarras de voiture à Londres et un embarras de voiture à New York. Et parce qu'on peut le faire, mais c'est pas parce qu'on peut faire une chose qu'il faut nécessairement la réaliser. Il faut peser le pour et le contre, et puis il y a des arguments d'ordre éthique aussi qu'il faudrait peut-être de loin en loin prendre en compte, ce qu'on ne fait pas. Alors imaginez que l'homme se détruise. Si ce n'est pas la disparition de la vie sur la Terre, eh bien rien n'est perdu. Il y a déjà eu des relais dans l'histoire de l'évolution biologique. Alors il faut imaginer, il faut penser déjà, enfin, on a le droit de réfléchir et de rêver même. Quel est le groupe animal qui viendrait éventuellement relayer les primates, ou même les mammifères, si les mammifères devaient disparaître? Alors on pense aux insectes, on pense aux oiseaux. Les oiseaux, c'est peu probable, ils sont très spécialisés. Les insectes, ce sont de merveilleuses petites mécaniques, admirables petites mécaniques. Mais il n'est pas certain qu'ils soient capables de prendre les initiatives nécessaires à une réoccupation de la planète au cas où les mammifères disparaîtraient. Alors ce serait quoi ce... J'ai ma petite idée personnelle, mais enfin c'est une idée. Ce sont les céphalopodes. Les céphalopodes, ce sont des mollusques. C'est le groupe de mollusques auxquels appartiennent les poulpes, les pieuvres et les calmars. Et les seiches. Eh bien ces animaux sont déjà, à certains égards, anatomiquement, d'une grande perfection. Leurs organes d'essence sont très, très perfectionnés. L'organe de la vue, par exemple. Ils ont des cartilages, c'est-à-dire presque, enfin, à certains égards comparables aux nôtres. Ils ont un psychisme très développé, on le sait maintenant par toutes sortes d'études sur les pieuvres en particulier. Seulement, ils sont aquatiques. Ils sont aquatiques, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la mer. Et leur respiration est branchiale. Ils respirent l'oxygène dissous dans l'eau de mer. Alors, vraiment, tant qu'ils n'auront pas découvert le passage de la vie marine à la vie terrestre, ils ne seront pas pour les mammifères des concurrents ou des successeurs immédiats et sérieux. Mais ce sont il faut se méfier des céphalopodes. Il y en a d'énormes. Il y a ces fameux calmars géants, dont on n'a d'ailleurs souvent que des débris. On a des débris, mais des débris très impressionnants. Ce qu'on appelle le kraken dans les régions nordiques. On a quelquefois, en particulier, on a des bras, on a des morceaux de bras qui échouent en Norvège, à Terre-Neuve, etc. Et puis on a, sur les cachalots, l'empreinte des ventouses de ces calmars géants. Eh bien, ces empreintes sont quelquefois de la taille d'une soucoupe de tassaté. Ce qui est déjà très impressionnant, parce que les poulpes qu'on connaît, enfin, courants, si j'ose dire, sont infiniment, infiniment plus petits. Et ce seraient des calmars qui auraient quelle dimension Et calmars, c'est pas facile de donner des dimensions pour les calmars, parce qu'il y a le corps, la tête, les petits bras, et puis il y a ces deux immenses bras qui sont distincts, qui sont séparés des autres. Distinctes des autres, mais enfin, on estime qu'il y a des calmars de 15 à 20 mètres de long. Ce sont des bêtes très respectables. Mon hypothèse, c'est le cas où les hommes auraient bien disparu. Sûr, ouais. Non, sans ça, si les hommes ne disparaissent pas, bien, ils feront la guerre au Calmar. En cas de menace, mmh. en cas de menace immédiate, parce que c'est pas encore le cas. À partir du moment où on est dans cette phase d'agression qui n'arrête pas, vu l'avancée des techniques, il y a des menaces très très graves qui pèsent sur la planète et sur les hommes. Je pense que ça, c'est une question qui vous... Naturellement, mais ça, c'est une chose très très maintenant qui devient bien connue. Enfin, il suffit pas. On n'en parle pas beaucoup. Suffit finalement. Pas. Si on en parle, naturellement, on en parle. Mais mal. Alors, imaginez la différence entre l'époque actuelle à ce point de vue-là et ce qui se passait il y a 50 ans, par exemple. C'est totalement différent. Tout le mouvement qu'on appelle écologique, j'aime pas beaucoup le mot lui-même parce que l'écologie, au sens propre du mot, c'est une science bien précise. C'est la science des êtres vivants avec leur milieu. Mais alors, on pourrait d'ailleurs en s'en tirer en disant écologie d'une part et écologisme d'autre part. Le mouvement écologique, au contraire, a tout à fait sa raison d'être. Mais l'opinion publique commence quand même à s'éveiller à un certain nombre de choses. Il faut voir le nombre extraordinaire d'associations locales qui se sont créées à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. L'énergie nucléaire, c'est un bon exemple, encore des choses qu'on fait parce qu'on peut les faire. Sans avoir probablement suffisamment réfléchi à ce que ça pouvait réellement entraîner, impliquer dans des domaines différents. D'autant plus que les liaisons entre l'énergie, le nucléaire dit pacifique et civil et l'autre sont beaucoup plus étroites qu'on ne veut bien nous le raconter. Tout ça se tient d'une façon extraordinaire. Et s'il n'y avait pas cette active préparation à la guerre atomique, on nous parlerait peut-être un peu moins d'énergie nucléaire, mais enfin, il faut du plutonium pour faire des bombes, et par conséquent, il faut des centrales pour en fabriquer. Vous êtes quand même membre de l'Institut, vous avez des collègues qui sont aussi très très sensibilisés à ces problèmes-là. On a l'impression que les scientifiques n'ont pas voix au chapitre, alors que c'est eux quand même qui sont les responsables. Le problème de la responsabilité des savants, c'est un problème considérable. Évidemment, si les savants refusaient de collaborer, par exemple, à la fabrication des armements, ce serait très différent. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas de ces scrupules. Un certain nombre peuvent en avoir, mais savants ou pas d'ailleurs. Si les hommes refusaient de préparer la guerre, elle serait beaucoup plus difficile à organiser et à préparer. Mais on peut imaginer, c'est une question de niveau de responsabilité. Les ouvriers qui travaillent dans les usines d'armement travaillent parce qu'on leur dit de fabriquer ça, mais enfin, ils n'ont pas de responsabilité dans l'invention. Non, ils ne sont pas responsables des inventions, non, bien sûr. Et puis, on peut imaginer aussi une reconversion des industries d'armement un jour ou l'autre, le jour où l'homme sera suffisamment humanisé pour découvrir la stupidité de la course aux armements. Vous venez d'entendre le troisième volet d'une série de 5 entretiens avec Théodore Monod par Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 24 février 1982. La suite, demain, à la même heure. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.